là où j'ai grandi. Sirène de police, sereine et sévice. Nul n'en sort ni revient indemne. Paris, parvis, la défense, sourcils froncés. La tête baissée, on avance sur le sol français. Assis au fond de la classe, on n'était pas des modèles. Chien de la casse, malgré de nombreux appels de détresse. SOS, SOS pour la maîtresse des élèves. Perturbateurs des cas sociaux, disait-elle. Disait-elle. Orange Budweiser, les yeux éclatés, le réveil sonne, faut se lever. I need some sleep, it can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Budweiser, les yeux éclatés, le réveil sonne, faut se lever. C'est l'heure d'aller taffer, taffer. Le temps de boire un café, café. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour monsieur, des envies de baffer. Les années passent, ne changent que les saisons dans le sport pour certains, dans la musique pour d'autres. Porte de sortie, j'aurais voulu être un artiste, artiste. Aider les jeunes du quartier, pas comme on veut, comme on peut. Coup de feu, histoire de drogue, d'argent. Vice et vertu ne font pas bon ménage, monsieur l'agent. Vice et vertu ne font pas bon ménage, monsieur l'agent. Some sleep, it can't go on like this. I tried counting sheep, but there's one I always miss. Pur, je viens me confesser devant Dieu, laver mes péchés, sécher mes larmes, pardonner mes offenses et ceux que j'ai offensés. Beaucoup de pression, se traduit en agression. Trop jeune pour mourir, trop vieux pour courir, courir après le train-train quotidien. Train-train quotidien, quotidien. Train, train, train, train, train, train, train, train.